Audiomatique. basée sur la musique du projet Robot Koch que les sonoristes lançaient la transmission 525 d'Audiomatic. De l'album Hyper Moment paru en 2015, nous écoutions la composition Circles. Et on poursuit sans tarder avec le projet ukrainien R.ROO. Audiomatique, cette séquence de deux pièces concluait sur la musique du groupe de Colombie, Danta. De son album Paramos, paru en 2017, nous écoutions la composition Marisma. Avant Danta, nous écoutions le projet ukrainien R.ROO et sa pièce Silence of Eternity, tirée de l'album Nothing, paru en 2014. À Audiomatique, nous poursuivons cette fois avec le défunt groupe grec Aphrodite's Child. Thank you. seats were occupied. Thank you. C'était à Audiomatic, la formation américaine Noir, de son album compilation intitulé The Best of the Remixes et sorti le 25 octobre 2024. Nous vous avons fait jouer la pièce Same Old Madness, remixée par le groupe américain Bestial Mouths. Et pour débuter, il s'agissait du défunt groupe grec Aphrodite's Child, qui a existé de 1967 à 1972 et qui a été fondé par, entre autres, Vangelis et Demis Roussos. Du troisième et dernier album d'Aphrodite's Child, intitulé 666, et paru en 1972, nous avons entendu la pièce « All the Seats Were Occupied ». Ce sera la formation suédoise Puissance qui posera la composition finale à cette transmission d'Audiomatic avec la pièce Chemical tirée de l'album State Collapse qui a été publié en 2004. Nous vous donnons bien sûr rendez-vous mercredi prochain dès 17h pour une autre transmission d'Audiomatic. Soyez attentifs au contenu que nous publions sur nos plateformes et sur facebook.com/audiomatic, CFOU, si jamais vous êtes intéressé à entendre ou même réentendre nos anciennes émissions en balado-diffusion. Alors voici pour terminer Puissance et la composition Chemical. C'était Audiomatic avec les sonoristes.